Kepler 45 2B. DJ Mopao, Frontier et Aliwa. Karanga photo. Tutu Roba. Amiou. Amiou. Tchoum. Amiou. Je dis, voilà, combina te, à moi, n'zambi te. Voilà, combina te. À mon Christ au terre. Ah, Jésus Seigneur. Seigneur, bien. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amio, Chuma, Amio, Mila Lobisto Pé. Allez, la police. Jean-François Ndengue. Ndengue Lobisto Pé. C'est bon. Allez, la police. Vincent Gomez, Alexis. Mila Lobisto Pé. Allez, la police. Patrick Kimuta. Chuma, Gisèle Dioni. Mila Lobisto Pé. Le boss Paul Obambi. Toi la photo. Toi c'est Kaboké. Bouka Singo. Écoute-y-dé. Écoute-y-dé. Écoute-y-dé. Écoute-y-dé. Samé Ngombe. Écoute-y-dé. Maman m'a passé à Yézé Bola. Écoute-y-dé. Vital Kamere. Écoute-y-dé. Écoute-y-dé. Envoi selfie. Écoute-y-dé. C'est le même qui nous l'a dit. Maman, moutoula, moutoula, louka, n'engue à combiné. Maman, moutoula, moutoula, louka, jambé naïe. Maman, moutoula, moutoula, louka, papi m'a pas. Maman, moutoula, moutoula, louka, n'engue à combiné. Écoute, Christophe Bolo. Dalaïama, mon fort. Minayama. Dalaïama. Dalaïama. Dalaïama. Yamaye. Yamaya Bandal, Yassim, Yamba Mateki, ouais, Yamaya Yolo, Achuma, Bila Lobisto Pé, Chirac Makayabo, allez favoriser, Zaina Mwana Mwamba, Sandra Kazan, Menge Lobisto Pé, ça, Didier Mukai, allez favoriser, Rock Taronko, Kanga Foto, Muka Kingo, Tose Kamoke, Kanga Selfie. Écoute, Ernest, Willy Bonito, écoute, DJ Franck, écoute, Martin Chamoulis, Yamaya Brazil, Papi Komba, Yamaya Paris, Dalanyama.